La deuxième foire internationale automnale de Pyongyang est ouverte le 5 à l'exposition des Trois Révolutions. Au service d'ouverture ont participé les cadres intéressés et du secteur économique et commercial, les délégations de divers pays et régions et les diplomates étrangers à Pyongyang. Les orateurs ont indiqué que la foire sert d'une bonne occasion pour développer l'amitié entre les pays, les échanges économiques et commerciaux multilatéraux, les investissements et les échanges technoscientifiques. La foire se déroule jusqu'au 8 septembre.